Merci. Donc bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Donc je suis la caution céréalière ce soir. Et en plus, il se trouve que je suis du département qui doit toucher le plus de primes PAC en France. Donc voilà pour planter le décor. À reculer. Oui, c'est vrai que j'ai une voix qui porte un peu pareil. Donc pourquoi je viens à témoigner ce soir dans un coq? Déjà parce que c'est rare de donner la parole à des paysans pour parler de ces questions-là. Et souvent, ce sont nos corps intermédiaires qui se chargent de cela à notre place. Et je ne suis pas sûr qu'on défende les. Enfin, qu'on ait les mêmes intérêts. Ce n'est pas une critique vis-à-vis d'eux, mais je pense que chacun défend la position dans laquelle il est. Il se trouve que j'ai un parcours qui correspond au parcours de la plupart de ceux du groupe dans lequel je suis, parce que vous comprenez qu'il y a un point commun qui est aussi la dynamique collective dans nos témoignages. Enfin, vous le comprendrez du moins. Je suis fils d'agriculteur, donc je me suis installé sur l'exploitation familiale, mais il y a 5 ans maintenant, après un parcours, après des études en environnement déjà, des études généralistes universitaires. Et puis après, en gros, pendant longtemps, je me suis posé la question. Je savais qu'au niveau familial, il y avait quelqu'un qui attendait très vite que je revienne, parce que voilà, c'était le cours des choses. J'étais le garçon, il fallait que je reprenne la ferme. Mais il se trouve que j'ai mis du temps à comprendre que l'image qui m'était renvoyée du métier, ça, voilà, ça m'attirait pas, quoi. C'était être, voilà, sans, c'est pas du tout dévalorisant, mais avoir une place d'ouvrier spécialisé qui amène des bennes au silo et voilà, qui se pose pas de questions. Je voyais pas le sens qu'il y avait à ce métier. Donc j'ai fait un parcours dans l'enseignement agricole sur les questions d'agriculture durable et puis j'ai été amené après à travailler un petit peu sur la question de développement rural qui m'a pas mal percuté parce qu'il se trouve dans une région qui reflète être dans les donc Champagne-Ardenne pour ne pas la citer, ceux qui n'avaient pas deviné et qui connaissent pas la répartition des primes PAC. Donc il se trouve que je suis à l'est de cette région, en limite Lorraine, donc dans une zone intermédiaire, comme on les classe assez souvent. Donc on va dire pas la région la plus favorisée dans la zone la plus favorisée, quoi. Donc des zones où on est amené à se poser des questions, parce que quand je me suis installé, toutes les fermes qui étaient reprises autour de moi, c'était pas reprise de la ferme familiale. Souvent c'était de l'agrandissement à 300-400 hectares. Et là, depuis cette année, on atteint des 1000 hectares. C'est la première fois que j'entends les 1000 hectares qui tournent autour. Hier, j'ai même entendu en discutant via de la prestation de service du 3000 hectares qui vise les 7000. Donc voilà le schéma. Et je rejoins quelque chose d'important qui a été dit par Gilles Bazin, c'est que malgré que les céréaliers sont un secteur où tout va bien, qui touche le plus de primes PAC à ce moment-là, pourquoi on est encore dans la course à la productivité, puisque c'est présenté comme ça. Donc voilà, ça pose des questions. Alors, par rapport à tous ces éléments, en travaillant sur le développement rural, je voyais que paradoxalement, on était une région, la seule région de France qui perd la population, une grosse proportion de la région en zone de revitalisation rurale, principalement là où j'habite, entre autres. Donc des tas de choses qui paraissaient complètement incohérentes entre des soutiens publics énormes qui tombent et un impact sur les territoires ruraux. Là où j'habite, on a moins de 10 habitants au kilomètre carré et les seules activités qu'il y a sur place, c'est l'agriculture. Donc, ça m'a amené à me poser des questions quand même et c'est là où je me suis dit que finalement, faire la théorie, c'est bien, mais il y a une ferme familiale, c'est peut-être ça le sens. C'est de s'installer et de voir s'il n'y a pas un autre schéma et de se confronter à la réalité. Donc, c'était un luxe. J'étais fils de paysan, une ferme de 160 hectares. Voilà, hein, je veux dire, il y a plus difficile comme challenge. Sauf que ce que vous diront beaucoup, c'est que pourquoi tu te fais chier? Le plus simple, c'était de continuer et de ne pas se poser de questions. Parce qu'en gros, les primes PAC, c'est celles que mon père a gagnées. Que je change ou pas, je touche les mêmes. J'ai aucune incitation à changer. Par contre, donc je suis arrivé avec les convictions, pour reprendre ce que disait Olivier. Ce qui m'a conforté dans ces convictions, c'est que je me suis installé en 2008, première moisson, une parcelle de colza avec une chute énorme de rendement, et on s'est aperçu qu'on avait une adventice très fréquente dans les rotations céréalières qui était résistante aux herbicides. Bon, déjà, ça conforte quelques idées qu'il faut peut-être changer quelque chose. 2009, la spéculation fait que le prix des céréales est divisé par deux. Donc on est passé de, quand je me suis installé, on flirtait, je crois, les 240-300 euros tonnes, et même pendant 18 mois, c'était 90 euros au prix coopératif. Donc voilà, après l'agronomie, l'économie. 2011, sécheresse printanière exceptionnelle, culture de printemps très difficile. 2012, gel exceptionnel, 80% des cultures d'hiver détruites sur mon secteur. Donc voilà, à force, il y avait déjà des choses qui commençaient, mais c'est vrai que mon paternel qui se posait beaucoup de questions, qui était d'accord avec moi sur les grandes idées, mais une fois qu'il fallait mettre en pratique, ben, à force des répétitions, elle commence à se dire, mais tu dis peut-être pas que des bêtises, quoi. Ce qui n'a pas bouleversé quand même la rotation dans le secteur, je vous rassure. Hein. Mais après, en regardant ces éléments annuels et en les remettant en perspective, et en lisant un petit peu, plus d'unités de production d'azote chimique en France, on importe tout, mon système ne dépend que de l'azote chimique, je n'ai pas d'élevage. Des perspectives sur les sources en engrais phosphore qui font que ça sera forcément plus cher et plus risqué d'en avoir parce que les mines, on va exploiter des mines beaucoup plus riches en métaux lourds. Les phénomènes de résistance aux pesticides se développent, donc même sans réflexion sanitaire ou environnementale, je me dis que globalement, même si j'ai les mêmes doutes qu'Olivier, il y a un moment ou un autre, on va dans le mur et... si je regarde ce qui s'est passé autour de moi, je sais que je ne suis pas compétitif, pour employer les termes généraux, pour faire de l'agrandissement. C'est-à-dire que même avec 160 hectares, on était trop court. Si on regarde ceux qui s'agrandissent autour. Donc, le changement, ça a été la diversification de l'assolement, l'introduction des herbages mécaniques. Enfin bref, je vais très vite, c'est des choses assez habituelles quand on s'intéresse à ces questions en grande culture. Ça a été fait à contre-courant, parce que je me suis rendu compte que pourquoi c'était pas si facile, ça aurait pas été si permis si je l'avais voulu changer tout seul. C'était impossible. J'ai commencé la première année très vite. La pression, dès que on commençait à demander un conseil, de toute façon, c'était les références habituelles qu'on nous donnait, quoi, quel que soit l'organisme de conseil. Mais il se trouvait que j'avais quelques copains qui, eux, étaient installés depuis plus longtemps et qui arrivaient au bout. Et qui n'avaient plus le sens de ce métier, et qui se disaient aussi que si c'est juste conduire un tracteur, ils ne voyaient pas l'intérêt. Donc, ils ont voulu. On a décidé de constituer un groupe pour échanger sur nos pratiques et essayer de faire changer les choses. Et c'était indispensable pour avoir un échange et se rassurer entre nous face au contexte qui est organisé autour des filières. En fait, le point commun qu'on a tous les trois, c'est qu'on se pose des questions sur le territoire dans lequel on vit. C'est-à-dire que. On cherche à être bien là où on vit parce qu'on sait que la ferme, on ne pourra pas la déplacer. Et que nos enfants vont à l'école du coin. Donc, s'il n'y a plus d'emploi dans le coin, de toute façon, ça sera pareil. Et que globalement, on a besoin de liens sociaux aussi. Donc, à 9 habitants au kilomètre carré, c'est pour arriver à 2 habitants avec 2 fermes. À ce moment-là, autant habiter en ville. Donc, le problème, c'est que tout le conseil qu'on a, que ce soit économique, technique, encore aujourd'hui, malgré tout ce qui peut être affiché, est ciblé par rapport aux filières. Et ces choix, les filières, et y compris la politique d'accompagnement, est ciblée sur ces filières. Et donc, des choix comme, par exemple, on est dans une région qui a fait le pari des agrocarburants, donc qui a investi énormément avec des incitations fiscales, allez dire à des agriculteurs, diminuez votre part, j'accélère, en blé et colza, alors que par ailleurs, vos coopératives vous disent, on a investi dans des usines qui transforment du blé et du colza, et des betteraves, et ben forcément, c'est pas audible. Et l'agriculteur, il ne raisonne on va dire que son premier réflexe, effectivement, c'est raisonner filière parce qu'il s'intègre là-dedans. Mais si on se pose des questions pour faire évoluer nos systèmes et être en cohérence, on est obligé de réfléchir beaucoup plus global et territoire. Et dans ce cas-là, c'est pas de l'accompagnement ciblé sur les filières et des politiques incitatives adaptées à chaque filière qui correspond, mais c'est bien un accompagnement plus global et ouvert. Alors, juste pour finir, la dernière particularité dans notre groupe, c'est comme on s'est rendu compte que si on restait entre agri avec du conseil agricole, on n'allait pas sortir parce qu'on a toujours posé les mêmes questions. On a fait sacrilège des sacrilèges, comme on travaille sur la biodiversité, on a été voir des associations environnementales. Et du coup, on a trouvé des gens très ouverts et avec eux, on a réussi à se renvoyer des questions qu'on ne se posait pas et du coup, essayer d'avancer. Et il se trouve que, pour reprendre ce qu'a m'a dit un agriculteur voisin qui n'est pas dans notre groupe, mais qui aussi essaye d'évoluer, il m'a dit un coup, quand on faisait un tour de plaine d'un groupe de développement agricole sur nos fermes, il a dit en fait, je suis mieux compris par des habitants qui ne sont pas agriculteurs que par mes voisins. Parce que voilà, on est beaucoup plus à l'aise. Je disais en rigolant que je suis de la caution céréalière, mais je n'ai aucun état d'âme à me dire céréalier quand je discute avec quelqu'un, parce que je peux lui expliquer que je ne suis pas l'a priori, le schéma type, et au contraire, j'essaye de coller aux attentes sociales, même s'il y a des incohérences. Par contre, l'incitation pour l'emploi, je sais que mon système pourra aller plus loin. Il faudra recréer de l'emploi sur ma ferme pour aller au bout des choses. Merci. Merci.